Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervan avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Si on chantait, une série d'Olivier Chomel réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Au départ de cette série, il y a le plaisir de chanter tout seul en cachette, ou tous ensemble très fort, ou encore de s'époumoner dehors en plein vent. Mais il y a aussi le rêve inaccessible de pouvoir un jour entonner l'air de la Reine de la Nuit. Alors pour commencer, les personnages. Une chanteuse qui n'est pas une clarinette, une diva qui conseille, une élève qui veut bien faire, un chef de chœur baryton, une chanteuse qui a bifurqué, une contralto qui se soigne et un phoniatre qui explique. Ensuite, le décor. Une répétition, un chœur, un air, un solo, le perfectionnisme, l'exigence, le pouvoir, l'obéissance, l'autorité, la jubilation, la discipline, l'air, la dureté et l'enfance. Aujourd'hui, 3e épisode, on répète. Juliette ? Ouais. Tu te sens jouer la réduc ou pas ? Pardon ? Tu te sens jouer la réduc ? La quoi ? La réduction de l'orchestre. T'as le droit de dire non, hein. Mesdames, messieurs, Juliette. Quand vous avez un accord final qui sonne pas bien, si vous desserrez les fesses, vous, en tant que chef, ça va mieux pour les chanteurs parce qu'ils sentent votre détente. Et du coup, le diaphragme redescend, la cage thoracique s'épanouit, la colonne vertébrale reprend une posture tonique. Et du coup, l'effet Doppler, vous savez, ce fameux effet qui fait détonner en fait un accord, est effacé par là, simplement une histoire d'énergie communiquée du chef au corps des chanteurs. Si on chantait, Olivier Chomel, Marie-Laure Ciboulet. Ce qui fait que le cœur sonne sous ma direction, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Chant lyrique, au commencement était le timbre. À 15 ans, j'ai entendu pour la première fois en vrai une chanteuse lyrique à la salle Cortot. Ma mère organisait un concert avec des Coréens qui faisaient une tournée en Europe et une chanteuse lyrique qui s'appelait Yuri Chang et un ténor. Ils ont chanté La Traviata. Et dedans, il y avait l'air de La Traviata et le Brindisi à la fin. Et j'ai été foudroyée, mais littéralement, d'émotion. Je sais pas comment, mais tout mon corps vibrait. Je pleurais de tellement j'étais touchée et je ne comprenais pas comment une voix pouvait me toucher autant alors qu'il n'y avait pas de micro. J'avais entendu plein de fois à la radio, en CD de la musique classique, des voix classiques. Mais là, en vrai, c'est tellement différent. On reçoit complètement la vibration, on a la chair de poule. Donc j'étais vraiment foudroyée pour toute la vie parce qu'ensuite, j'ai pas cessé de supplier mes parents de me trouver un professeur de chant. Il fallait absolument que j'apprenne à chanter, à m'exprimer comme ça. Marie-Berthe était immensément belle et avait les yeux verts. Elle apprenait le chant lyrique au conservatoire, elle vocalisait dans son bain. C'était un régal irrésistible pour son compagnon Jean-Albert, qui en matière de chant ne connaissait guère que ceux du carnaval de Dunkerque, qui ont bien leur valeur propre, mais qui peuvent difficilement se comparer à des leaders de Schubert. Il n'y a pas de rapport musical évident entre « Est-ce que t'as pas vu la bande ?» ou « Mets un petit cul sur la glace ?» et « Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind ?» du point de vue de l'exigence vocale, en tout cas. On pourrait dire trivialement que le chant lyrique a en commun avec les tripes qu'il ne supporte pas la médiocrité. Ce qui n'a jamais empêché Marie-Berthe d'écouter avec indulgence, voire plaisir, le répertoire traditionnel et populaire de son Jean-Albert adoré. Le chant lyrique, c'est une source de volupté intense. Mais il n'y a pas de mystère. Dans ce domaine, tout progrès ne s'acquiert qu'au prix d'une besogne constante et injustice flagrante et divine. On n'ira loin que si l'on est doté dès le départ d'une voix. Et on sait que la concurrence professionnelle en ce domaine est féroce. Au commencement était le timbre, nécessaire mais pas suffisant. Vous êtes une jeune chanteuse lyrique, Roxane Vinson. Vous vous tenez bien, c'est important. La posture du dos. Oh, oui, tout à fait. Pourquoi ? C'est très important, la posture du dos, mais non seulement ce qu'on donne à voir, tout simplement parce qu'on est un instrument de musique, comme tous les autres instruments, simplement on a tendance à l'oublier, parce qu'on ne ressemble pas à une clarinette, mais on est un instrument avant, pour moi. Donc si on est tout tordu, le son sera tout tordu. Donc comme le but, c'est le haut, que ça sorte du haut du corps, eh bien il y a un mouvement comme ascendant, un gainage depuis le périnée, ensuite la sangle abdominale, tout ça aidé par le diaphragme, et ensuite dans un mouvement toujours d'expansion. Voilà pourquoi on se tient droit et que la posture est importante. Ah, oui, encore une fois, aber nicht, was hast du gemacht? Une leçon de chant par Elisabeth Schwarzkopf, Archivina, 1981. Alors, encore une fois. Brillante. Das ist wirklich brillant. Aber ein portamento italiano, pas un portamento italien, pas allemand. L'Allemagne, da, et l'Italien, avec renforcé du diaphragme, beaucoup. C'est un renforcement dans le portamento. Hein? Pas devenir faible. Pas ça, c'est l'allemand. Nein, nicht tanto, tanto, sulla nota al contento, al contento, adios adieu. Prenez un peu de temps. Ya da da di da da dam. Al contento. Adios adieu. Si. Oi miser, si. Io credo a me. No. Tu ma fai. No. Mio tesoro. Ya da da da da dam. Come. Ya. Il faut me donner de temps en temps un portamento. Alors, vous m'avez donné aucune. C'est difficile, hein? Yeah. On entend que c'est une femme instruite, autant couleur. France de la Hamelinée. Elle parle dans 3 ou 4 langues différentes. Et elle est intransigeante avec l'élève qu'elle a entre les mains. Elle l'arrête, je pense, à peu près toutes les 3 secondes. En lui disant « Non, pas de portendo ». Et puis la phrase d'après, c'est « Ah mais si, il me faut quand même un portendo, mais pas comme tu l'as fait avant ». Et on sent cette élève courageuse qu'elle a entre les mains. Un peu terrifiée quand même par l'ampleur du personnage. Impressionnée, mais qui essaye de bien faire. Moi, je trouve qu'on sent qu'elle s'accroche. Et ça me fait penser à des choses qu'on a tous vécues, je pense, en tant que musicien, que ce soit chanteur ou instrumentiste, d'avoir ce moment où à chaque fois qu'on ouvre la bouche ou qu'on pose la main sur son instrument, il y a le regard et l'oreille surtout du professeur, et puis on attend presque, il arrive un moment où on attend presque le moment où il va nous interrompre. Et ça, c'est la petite boule au ventre où on se dit « Oh non, ça y est ». Et puis on prend patience, on écoute. Et je pense que c'est une des premières qualités du musicien, d'être capable d'écouter la critique et de ne pas la prendre contre soi, mais de la prendre constructivement. Peut-être pas le premier. Où est-ce plus facile de le faire? Si, pour cela. Ah, mi sen, si, io, peut-être là. Hein? Allons-y. Allons-y. Ya. Passe. Allons-y. Allons-y. Mon petit roi, contento, adios adieu. Papa, paradiradadadam. C'est vite possible quand même tous les nôtres. Mm-hmm. Non. Al contento. Al contento. Sì. Oi, mi sei sempre da te. No, tu ma fai. Dati, dati, dati. Legatissimo entri le triole, triole. Legatissimo. Mm-hmm. Tu ma fida. Tu ma fida. Plus legato, mio tesoro. Mio tesoro. Tu ma fai, mio tesoro. Sì. Mi braccio. Courage. Dans cet extrait de cette archive d'Elisabeth Schwarzkopf, elle est insatisfaite d'une première interprétation. L'élève reprend. On distingue à peine la différence. Alors, on la distingue quand même. On la distingue quand même. Il faut savoir aussi qu'il y a un moment, parfois en tant que professeur, où on se retrouve dans une espèce d'écoute très intense. Et on décide de plus rien laisser passer, et c'est presque une excitation, et du coup on coupe, on refait, et on devient très pointilleux, mais quand on touche du doigt ce à quoi on s'attendait, en tout cas en tant que chef, parfois on recherche vraiment un son particulier, et je pense qu'elle est dans cet état d'esprit à ce moment-là, et du coup elle laisse rien passer. Oui, il y a un côté un peu intransigeant, et on la sent quand même un peu excitée, un peu surexcitée, un peu impatiente en fait, mais je trouve ça beau parce qu'en fait, elle a envie de guider vers ce qu'elle pense être le mieux, en tout cas. Mmh. Elle est dans le niveau haut de l'exigence, ça, c'est certain. Roxane, Vincent, ce sont deux choses radicalement différentes que de chanter en soliste, oui, et en chœur. Complètement. Alors, il faut avoir une très très bonne technique pour les deux. En chœur, tout simplement, parce que comme on est nombreux, on ne peut pas entendre complètement sa voix, on entend beaucoup les autres. Et soliste, il faut vraiment tout donner. Là, tout repose que sur nous. Et on a notre propre liberté d'interprétation. Voilà, tandis qu'en chœur, on s'adapte pour tous pouvoir s'écouter et en même temps donner de soi pour faire un tout. Voilà, c'est très intéressant les deux. CH. F. Vite, vite, vite, vite, vite. Lâchez la mâchoire. Sirène ? Non, encore. Passez sur Z. Fermez. Faites circuler le son dans la zone faciale. Ok, sur Moito. Olivier Bardot, professeur de chant, chef de chœur, baryton basse. Stella Maris est un chœur amateur qui fonctionne à niveau professionnel. On fait 4 à 6 programmes par an, on a un partenariat avec la Philharmonie, avec l'Orchestre National d'Île-de-France, donc on va chanter essentiellement a cappella. Ça veut dire que, par définition, je ne vais pas avoir la possibilité de prendre quelqu'un qui n'a aucune expérience de chœur. Fût-il un excellent soliste, parce que ce n'est pas le même travail. Chercher la continuité, la détente. Et donc, j'exige à l'entrée de Stella Maris une expérience de chœur, et une forte expérience de chœur. En général, j'exige au moins 5 ans de travail, et je regarde de près dans quel chœur ils ont été. Et évidemment, par exemple, quelqu'un qui a été dans une maîtrise, avant de chanter en adulte, il marque des points pour être sélectionné pour l'audition, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui s'acquièrent dans l'enfance qui sont beaucoup plus difficiles à acquérir à l'âge adulte, en particulier en France, où la culture musicale est quand même très peu développée, et la culture chorale en particulier, par rapport à nos voisins européens. À cause d'une question très complexe, dont on débattra une autre fois, de séparation entre la musique savante et la musique populaire. Sans contracter la sangle abdominale, laissez vraiment le son rebondir. Oh, même chose. Mais pour revenir à cette question de l'audition, pour l'audition en elle-même, je demande en fait au chanteur de vocaliser pour écouter son ambitus, c'est-à-dire en fait là où il est le plus confortable dans sa voix, et puis évidemment sa couleur et son timbre, parce que par exemple quand je complète un pupitre de soprane, de temps en temps j'ai besoin d'une couleur en particulier. Donc il y a vocalise, ensuite un exercice d'oreille, parce que vous imaginez bien que pour faire du Philippe Manoury à la Philharmonie, si quelqu'un ne sait pas chanter un triton, ça va commencer à devenir difficile. Et c'est un triton, c'est-à-dire une quinte augmentée ou une quinte diminuée. L'intervalle difficile à chanter par excellence. Do, fa dièse, par exemple. Et puis enfin, un déchiffrage. Et ça, évidemment, je m'en prends plein la figure avec cette histoire, parce qu'on m'accuse d'être élitiste. On me dit que je me prends pour un cœur pro alors que j'ai un cœur amateur. Est-ce qu'on aurait l'idée d'auditionner pour un violoniste dans un pupitre de violon à l'orchestre, quelqu'un qui ne déchiffre pas ? Non. Pourquoi est-ce qu'on s'interdirait du coup le déchiffrage pour un chœur ? Est-ce que le chœur devrait être, au mauvais sens du terme, plus amateur que l'orchestre ? Je ne crois pas. Est-ce que vos choristes, vos chanteurs, contestent vos choix parfois de programme ? Bien sûr, et je les encourage à le faire. le chœur, c'est une sorte de monarchie démocratique. Alors, c'est une monarchie parce que, in fine, le dernier mot revient au chef. Et c'est très important que ce soit le chef qui décide, parce que sinon c'est l'anarchie et c'est plus possible. Alors, chacun son rôle, chacun sa place. À partir du moment où le chef est convaincu du fait qu'il est au service, c'est normal qu'il ait un pouvoir. Et moi, je n'accepte absolument pas, par exemple, que les chanteurs manifestent leur désaccord pendant la répétition. En revanche, je les encourage fermement à le faire en dehors des répétitions. Par mail, autour d'une bière, c'est encore mieux. Voilà. Mais pendant la répétition, il n'y a qu'une seule personne qui décide, c'est le chef. C'est comme l'arbitre dans un match de rugby. On peut venir lui casser la gueule après, encore que ce ne soit pas ce qui est complètement conseillé. Voilà. Parce qu'on n'est pas d'accord avec la pénalité accordée. Mais pendant qu'on est sur le terrain, on dit oui, monsieur l'arbitre. Mais en fait, si on n'est pas violent en chantant couleur, on n'a pas compris. Ok ? Hein ? Il faut être hyper spirituel dans les endroits calmes et il faut être assez violent dans les endroits où il est voyou. Ok, avec les sopranes. Chiffre 39. 1, 2, 3, et... Attention. Pourquoi le chœur Stella Maris et pas un autre, Achille Autran ? Un peu par hasard, enfin avec ma compagne, on s'est rencontrés dans un autre chœur. On avait arrêté parce qu'on avait des enfants petits, on n'avait plus le temps. Et il y a une moment, fonction matrimoniale des ensembles vocaux ? Je crois qu'il y en a quand même pas mal de gens qui se rencontrent dans des chœurs, oui. Ça arrive assez fréquemment. Et on a cherché un nouveau chœur, on a juste regardé les petites annonces, écouté des ensembles, et on s'est dit, tiens, à eux, ça a l'air, le programme a l'air intéressant, c'est pas mal de la musique contemporaine. Et voilà, ils recrutaient, on a passé les auditions, on était, donc, elle comme moi, peut-être tout juste à avoir le niveau, parce que le niveau est assez élevé, donc on était plutôt, oulala, quand on a commencé les premières répètes, on s'est dit, oulala, la vache, c'était vachement plus balèze que là où on chantait avant. Mais on a ramé un peu, et puis finalement, on s'est intégré, et puis ça marche bien. Et donc, vous arrivez là avec une formation académique correcte, non ? Moi, je suis plutôt l'exception, on va dire, chez les chanteurs. Moi, j'ai pas fait le conservatoire. Vous savez lire la musique ? Oui, oui, oui, mais pas très bien. C'est-à-dire, comparé à d'autres chanteurs du chœur, il y en a qui sont des brutes en déchiffrage. Il y en a qui sont des professionnels de la musique, pas forcément du chant, mais voilà, quoi. Ils ont un très bon niveau de déchiffrage. Moi, je rame plus, mais ça n'empêche pas de faire de la musique ensemble. C'est pas discriminant. C'est assez spectaculaire de vous entendre déchiffrer une œuvre. On vous a surpris à découvrir le Gloria de Poulenc, qui est pas très très simple, enfin vu de mes oreilles, ouais. Entendu de mes oreilles. Et en 30 minutes, le chœur sonne déjà de façon satisfaisante. Alors ça, c'est un... Ça signe quand même un bon niveau. Oui, il y a un bon niveau de solfège, ça c'est sûr, ça aide. Après, c'est tout l'art du chef de chœur, quand il recrute et quand il constitue ses pupitres, de trouver le bon équilibre pour avoir des voix qui vont se fondre dans le pupitre pour que ça marche bien tout de suite. Et c'est vrai que Stella Maris, c'est quand même un chœur où ça déchiffre très vite, très bien. Et il y a un bon son très rapidement. J'ai la voix la plus grave des femmes. Je suis dans le pupitre le plus grave des femmes. Adrienne Charme. Et donc parfois, la difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'on ne s'entend pas. On va entendre beaucoup plus les voix aiguës. Et donc une voix grave et un pupitre grave. Donc un pupitre d'alto grave. Dans le chœur, on est vraiment au milieu. On a toutes les femmes au-dessus, tous les hommes en dessous. Et on chante souvent avec une voix de poitrine, voire très ventrale quand on est très très bas dans la tessiture. Je m'entends pas chanter. Donc il faut avoir suffisamment confiance en soi pour y aller et assumer son chant, quand bien même on va pas l'entendre au sein de l'harmonie générale. Quand on a à pleine voix 45 personnes qui chantent en fortissimo à côté, c'est pas toujours évident de s'entendre si on chante un sol grave ou un mini grave pour les notes vraiment basses. Et là, effectivement, on va sentir qu'on est en train de chanter, on va sentir la résonance intérieure, mais on va pas s'entendre. Donc ça, c'est une difficulté particulière qui sera pas quelque chose que rencontre une chanteuse soprane, par exemple. Il n'y aura pas ce problème-là. Ça implique une certaine humilité de chanter en chœur. Il ne faut pas être non plus timide, parce que si on est timide, on chante tout petit comme ça, on ne met plus de timbre, et puis ben, ça ne donne rien. Donc il faut contribuer à l'ensemble, mais pas faire plus, pas essayer de se mettre en avant. La polyphonie, quand c'est réussi, ça suscite des émotions potentiellement très fortes. Oui, ça peut être assez, assez intense. Pour l'auditeur comme pour le chanteur. Oui, moi je pensais plutôt chanteur, mais côté auditeur aussi. Oui, ça peut avoir des côtés assez intenses. Comment dire, on peut être tout d'un coup assez, soit complètement habité par la musique, soit ou très transporté. Je sais pas, par exemple, quand on chante dans des très gros ensembles, ça nous est arrivé de chanter, notamment à la Philharmonie, dans des productions où on était 300, 400 chanteurs. Donc avec d'autres chœurs, là on peut avoir physiquement une espèce d'emprise très très forte de la musique, ouais, effectivement. En quoi est-ce que consiste ce plaisir, cette jubilation, Olivier Bardot ? C'est une chose qui est très difficile à expliquer avec des mots quand on ne l'a pas vécu, en fait. Parce que je pense que ça fait résonner des choses qui sont tout à fait profondes en nous. Je suis persuadé que le chant fait appel à des fonctions réflexes très profondes dans le cerveau reptilien. Il y a un aspect très animal dans le chant, on est bien d'accord, hein, un aspect émotionnel, un aspect érotique, un aspect séduisant. Quand on dirige les chanteurs, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que c'était un peu comme leur faire l'amour. C'est tout à fait le vrai, enfin, moi je le vis tout à fait comme ça. Application des ténors. Do dièse. Sol bémol, si do. Application du mode Kumaba. Ténor et basse, 39, 3, et. Est-ce que c'est volontaire de la part de Poulain ? Je ne sais pas. En tout cas, on est à peu près dans la même ambiance que tout à l'heure. Okay ? Je rajoute les altos, s'il vous plaît. Tout le monde s'en soprane. 1, 2, 3, et... Merci. Croyez-vous vraiment, mes chers amis, que quand on va jouer avec François-Xavier Roth à la Philharmonie, les violons de l'orchestre qui font ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta pendant votre truc vont vous attendre pendant votre main pointée ? Certainement pas. 2, 3, et... Domine Deus unicente, Domineus unicente, La belle voix, les belles voix, Achille Autran, ça transporte. Comment ça marche ? On a tous une relation tout à fait personnelle à la voix, parler et chanter, parce qu'on la pratique tous individuellement, évidemment. Il y a une perception de la vibration du chant, de la vibration sonore qui provient du chant, qui doit nous marquer probablement au niveau neurologique de façon un peu plus directe. Après, simplement, c'est que le chant, en général, il y a des paroles, il y a un aspect narratif, quoi. Il faut voir ce que ça raconte, mais souvent, les très beaux morceaux ont un très beau texte. C'est pas toujours le cas. Vous voyez, il y a des trucs, c'est complètement couillon, alors que la musique est magnifique. Il y a une grosse partie du répertoire qui est de la musique sacrée, évidemment, pour les gens qui sont croyants, c'est un vecteur de religiosité qui est super important. Après, c'est pas exclusif, hein. Je veux dire, on peut être un mécréant total et trouver que le Requiem de Mozart, c'est quand même pas mal, quoi. C'est... Ce que je trouve sublime dans la voix, c'est à quel point la vie modifie notre voix. Et à quel point, du coup, la voix devient, malgré nous, un organe d'hospitalité, quelque part. Parce que selon ce qu'on traverse dans notre vie, je pense que même si consciemment on voulait pas être modifié vocalement, c'est impossible. Et oui, je trouve ça puissant pour cette raison-là. Ça veut dire qu'on n'en est jamais tout à fait maître, Clara Isée. Oui, absolument. Je pense qu'on peut essayer de la travailler, d'avoir une technique la plus précise pour essayer de la maîtriser. Mais il y a une immense part de la voix qui nous échappe, et c'est ce qui fait qu'elle est puissante, je crois. Moi, par exemple, je sais qu'à la mort de ma mère, ma voix a vraiment plongé dans les graves. Et puis après, ça s'est restabilisé. Mais c'était pas du tout volontaire, quoi. Et c'est fou de voir à quel point les événements modifient nos voix, quoi. Il y a les rencontres, et c'est beau, quand, évidemment, de voir que selon les gens qui nous ont entourés, en fait, souvent, on prend les intonations de voix de quelqu'un qu'on aime sans le vouloir. On écoute beaucoup une chanteuse et on prend les intonations de voix de cette chanteuse, et que, en fait, notre voix est habitée par tous ces fantômes-là. Et ça, c'est très fort. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'était doublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami, prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté et l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre, te rappelant tout bas que la joie est toujours à deux pas. Je te dis prends patience, mon ami, prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami, prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté et l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Vous êtes une jeune chanteuse de musical ou de variété, je ne sais pas si on parle encore comme ça. En tout cas, votre formation musicale est le chant lyrique, Clara Isée. Absolument. Pourquoi vous êtes tournée vers cet apprentissage-là et comment ça se passe ? Je crois qu'au départ, je ne l'ai pas vraiment choisi, dans le sens où j'ai commencé vraiment très jeune, quand j'avais 7 ans, comme plein d'enfants, je passais ma vie à faire des spectacles où je chantais, etc. Et ma grand-mère, à l'époque, qui était une grande fan de musique classique, m'avait amenée chez une vieille dame, une professeure de chant qui était assez âgée à ce moment-là, qui s'appelle Iva Barthélémy. Et en fait, elle donnait cours qu'à des professionnels qui venaient un peu de partout en Europe pour la voir. Et il se trouve qu'elle avait une petite fille de mon âge, et du coup, elle a accepté de me donner cours alors que j'étais très jeune. Surtout, c'est quelqu'un qui avait une discipline incroyable, qui était très sévère, assez dure. Et je crois que moi, ça m'a... Étrangement, ça m'a plu, quoi. Il y a quelque chose dans cette discipline-là pour accéder à la voix, qui est quand même une rencontre incroyable quand on est enfant, je crois. C'est pas forcément facile à accepter, à encaisser pour un enfant. Non, moi, j'ai trouvé ça... au contraire, quoi. J'ai trouvé ça très, très beau, très fort comme rencontre. Du coup, juste. Très juste, ouais. Exactement. Et du coup, même j'ai assez rapidement demandé à venir plus tôt, à rester plus tard pour écouter les cours avant et après. Et je sais que c'est un souvenir vraiment puissant d'être dans cette toute petite salle avec le piano et d'écouter les voix de chanteurs professionnels lyriques où quand on est dans une même pièce, c'est quand même très impressionnant. Et quand on est enfant, c'est encore plus impressionnant, je pense. Et de sentir, en fait, la puissance se dégager de ses corps, c'est très imposant. C'est physique. C'est très physique, ouais. Ouais, c'est très physique. Je pense que ça demande une discipline de sportif, en fait. Et c'est ce que je trouve beau, et ça m'a donné une grande colonne vertébrale, je crois, enfant. France de la Hamelinée. Vos élèves sont d'un bon niveau, déjà. Oui. Oui. La plupart. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Qu'est-ce qu'on cherche à développer ? Chez un élève, un tout petit, par exemple, ils arrivent, ils ont 7 ans. Moi, je commence souvent comme ça. De quoi on va avoir besoin ? On n'a pas d'instrument, nous. De quoi on va avoir besoin pour chanter ? Une fois, allez, deux fois sur trois, la réponse est d'un micro. Donc, je leur explique que non, c'est ça qui est fabuleux, mais nous, on ne va pas avoir besoin de micro. Et si on se débrouille bien, dans quelques années, dans de nombreuses années, notre voix pourra passer par-dessus un orchestre. Et il n'y aura toujours pas besoin de micro. Et la petite vieille qui est au fond de la philharmonie, normalement, elle entendra ce qu'on chante. Et ça, c'est la magie du chant. C'est la magie du corps, de l'être humain, en fait. C'est cette puissance de son. Donc c'est ça qu'on va essayer de développer chez l'enfant, c'est-à-dire le placement vocal. Donc on va commencer par parler beaucoup, beaucoup, presque uniquement de position corporelle et de respiration. La respiration, elle est essentielle. Il faut de l'air pour émettre des sons. Voilà, il faut de l'air. Il faut un diaphragme. Il faut que le diaphragme, il s'actionne dans le bon sens. Alors généralement, les enfants avec la marche, ils inversent le sens du diaphragme. C'est-à-dire qu'au lieu de s'abaisser pour attirer de l'air dans les poumons, tout se met à l'envers et du coup, le diaphragme remonte. Du coup, la respiration est haute. Elle se prend dans la poitrine alors qu'elle devrait se prendre dans le bas du ventre et dans le bas du dos. Quand vous dites avec la marche, vous entendez quand l'enfant apprend à marcher. Quand l'enfant apprend à marcher. Un tout petit nourrisson, vous le regardez respirer, il respire à l'endroit pour un prof de chant ou pour un prof de trompette. C'est-à-dire du ventre. C'est-à-dire du ventre. Il a une respiration ventrale. Après, il y a des enfants qui ont gardé la bonne respiration, notamment ceux qui font des arts martiaux. C'est assez drôle, je pense qu'on leur en parle beaucoup, mais c'est quelque chose que j'observe. Ils ont généralement une respiration très bien placée, un placement du corps qui est très stable. C'est-à-dire qu'il faut un écartement des pieds qui soit parallèle et à peu près dans l'alignement des os du bassin et des genoux un tout petit peu fléchis. Et bien ça, les élèves qui font des arts martiaux, ils savent s'ancrer dans le sol pour tout simplement ne pas être déstabilisés et puis utiliser la traction du sol. Donc tout ça, on va en parler beaucoup à l'enfant. On va développer son corps dans ce sens-là. On va faire très attention à sa langue, qu'elle reste bien derrière les dents. On se retrouve parfois à dire à l'enfant « Attention tes genoux, attention ta langue, attention à ta langue, ouvre bien la bouche. » Il faut chanter avec les yeux qui sourient, parce que comme ça, tu projettes mieux ton son. Attention. Et on est comme sans cesse. L'enfant comprend tout ça ? L'enfant comprend. L'enfant comprend. Après, il faut faire attention, parce que l'enfant s'épuise. Quand il y a trop d'informations et qu'il commence à faire attention à tout, ça bloque, ça peut créer un blocage, et là, c'est jamais bon. Clara Isée, quand est-ce que s'est produit cette espèce de frémissement, ce moment où vous vous êtes dit ce que je fais là pour occuper mes loisirs, ça pourrait être un métier ? Très très jeune. Je sais que depuis le plus longtemps que je me souvienne, quand petit on demande quel métier on veut faire, à l'époque c'était chanteuse quoi. J'ai mis par contre un peu plus de temps à me dire que ce qui m'intéressait c'était aussi de composer et d'écrire, même si c'était une chose que j'ai faite depuis très petite aussi. Mais par contre, chanteuse, c'est évident depuis très longtemps, ouais. Je crois qu'à partir du moment où j'ai rencontré Yva Barthélémy, en fait, à partir du moment où j'ai rencontré ce que c'était que la puissance vocale, le bonheur que ça peut être d'être traversé par ça, je me voyais pas faire autre chose dans ma vie. Ouais. Vous avez compris assez tôt que vous étiez bien dotée, d'une certaine façon. Je pense que j'ai surtout su assez tôt que peu importe, en fait, peu importe. Je crois que la question ne se posait pas de savoir si j'étais bien dotée ou pas bien dotée vocalement. Je crois que ce qui me plaisait, c'était la liberté que je ressentais quand je chantais et c'était une liberté que je voulais présente dans ma vie, en fait, peu importe la manière. Il y avait un truc très obstiné de vouloir retrouver cette sensation-là, quoi. Roxane Vincent, Comment survient l'ambition professionnelle? Comment est-ce qu'on s'aperçoit que, tiens, c'est sans doute du sérieux, qu'on a du potentiel pour aller loin? Alors, c'était le professeur, mon premier professeur, qui m'a dit que je pouvais très bien aller en niveau professionnel. Et donc, elle voulait me faire travailler dans ce sens-là. Et le professeur, il est là, pas comme un gourou, surtout pas, mais comme un guide, comme un jardinier. J'aime bien employer cette expression. C'est comme un jardinier qui va venir voir ses plantes, la plante qui va l'arroser de temps en temps, lui donner de l'eau, du soleil. Et lui, il va faire le tuteur, en fait. Il va un petit peu couper par-ci ou alors laisser pousser par-là. Donc il nous guide, mais en fait, c'est nous qui grandissons. On peut rester sauvage, hein. Après, le jardin reste très sauvage. Et comme on parle d'art, voilà, on sculpte. On sculpte quelque chose et c'est le souffle, le son. Il y a un professeur qui me disait aussi, je veux pas que tu me vois comme le sensei qui est au Japon, le maître tout puissant qui sait tout, et les élèves qui ne savent rien. Non, il me disait, il avait 20 ans de plus que moi, il me disait, bah, c'était Yann Toussaint, attention, je suis juste quelqu'un qui est plus loin dans le chemin que toi. C'est presque spirituel comme oui. Approche. Bah oui, c'est l'approche la plus humble que j'ai pu entendre. Et puis ça fait du bien. Est-ce que vous avez chanté ce matin, Roxane Vincent? Un petit peu. Et vous avez chanté quoi? J'ai chanté juste le début de Je veux vivre. C'est le rôle de Juliette dans Roméo et Juliette de Gounod. Et donc bah là, c'est une explosion de joie. Avant que Juliette rencontre Roméo et qu'elle découvre tous les tourments de son amour qui n'est pas accepté par les familles. Vous nous en feriez quelques lignes? Oui. Confronté au phénomène de l'extinction de voix, oui. Chose que tout chanteur redoute. Absolument. Il y a même une période, c'était il y a un an, deux ans, où j'ai eu des extinctions de voix systématiquement un jour avant mes concerts, ce qui vraiment est extrêmement intellectuel. Enfin, je veux dire, ça se joue, c'est le corps quoi, qui a peur et qui refuse. Enfin, moi, ça me rendait dingue. Mais du coup, maintenant, j'ai appris à faire attention. Je sais que comme c'est des choses qui peuvent arriver, ben une semaine avant mes concerts, je fais particulièrement attention. Je pense que c'est plus une question d'attention intérieure, de se donner les bons signaux, de se rassurer sur la date, parce que je pense que c'est très mental. Et au final, ben ça va beaucoup mieux maintenant. Vous redoutez l'extinction de voix, je suppose, Roxane Vincent? Plus aujourd'hui. Avant. Vous savez ce que c'est? Ah bah oui. Je ne sais plus avoir de voix du tout, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'était au début. Ça fait depuis 11 ans que je fais du chant. Peut-être mes 5 premières années, j'ai appris à avoir une meilleure santé. Parce que systématiquement, 3 fois par an, j'avais une extinction de voix. Donc, c'est-à-dire une semaine d'extinction de voix, une semaine pour récupérer toute la voix. Ça faisait 2 semaines sans cours, sans pouvoir s'exprimer. donc ça, c'était dur. Même si je suis malade, quand j'ai un tout début, j'ai appris à savoir ce que je prends aussi, comme médicament. Donc avant, je prenais tout ce que les médecins généralistes me donnaient, c'est-à-dire des antibiotiques, de la cortisone, avant de chanter, ça détruisait la voix en fait. Et je me suis penchée du coup vers l'homéopathie. Voilà, c'était beaucoup plus soft. Et ensuite, je suis passée aux plantes plutôt. Donc je prends des capsules d'origan. Dès que je sens quelque chose, c'est capsules d'origan 3 fois par jour. Inhalation de thym, romarin, tout ce qu'on peut trouver, d'eucalyptus. Donc je me fais des infusions de cannelle, poire, gingembre. Ça vient de mon côté coréen. Il y a plein d'infusions avec du ginseng aussi. C'est à fond sur la santé là-bas aussi. Et puis des sirops, ça c'est ma prof qui m'a appris, sirop de citron avec gingembre et beaucoup de miel. Enfin, les infusions de thym, lavande, érysimum, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est infusion, c'est très très bon. La chanteuse lyrique se fait herboriste. Oui. Jean-Abitbol, vous êtes phoniatre, médecin de la voix. Tous les chanteurs, quel que soit le genre qu'ils pratiquent, oui, sont terrifiés par l'extinction de voix. Oui. Ils font bien attention à ne, oui, pas oublier leur écharpe quand le temps se rafraîchit. C'est capital d'échauffer sa voix avant de, alors, chanter, on y vient, pour un chanteur professionnel. Exactement. C'est exactement l'élément essentiel. Tout chanteur, tout comédien qui doit à un moment donné être performant sur une scène, il est de nécessité, comme un sportif, c'est des athlètes, de chauffer les muscles de la colonne vocale, ce qu'on appelle le conduit vocal. La respiration, la vibration, la caisse de résonance, et de prendre, c'est ce que je suggère tout le temps, éventuellement du thym avec du miel une heure ou une heure et demie avant de chanter, qui donne une lubrification. Si vous n'avez pas bien lubrifié vos cordes vocales, dessus vous créez comme une corne, comme les gens qui jouent au tennis par exemple, eh bien cette corne va augmenter et va créer une pathologie qu'on appelle la laryngite kératosique, qui à ce moment-là, faut parfois opérer. Comment ça se produit? Comment est-ce que un matin qui n'est pas fait comme un autre, on se retrouve à faune? C'est une question qui met en cause elle est multifactorielle. Elle met en cause une chose qui me passionne, c'est l'association de la voix avec son monde de la mécanique et son monde de l'émotion. La voix est une alchimie entre l'émotion et la raison. Pour la raison suivante, c'est qu'on va complètement faire dérailler le train sur lequel on est si brutalement le conducteur n'est pas apte à conduire son train ou sa voiture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le chanteur est responsable de son excès. L'émotion du chanteur est en grande partie responsable des accidents qu'il peut avoir. C'est pas un hasard. Quand quelqu'un, par exemple, à un forçage vocal en tant que chanteur, sur scène, brutal. C'est que préalablement à cela, il était relativement fragile. Cette fragilité a créé une fragilité anatomique de son corps. Et il devient vulnérable. Cette vulnérabilité émotionnelle crée une vulnérabilité anatomique. Moi, je fais partie des gens qui sont très mamie. Très mamie. Grand-mère, en fait, hygiène de vie grand-mère, on dit ça entre chanteuses, hein, ou même les chanteurs, les ténors qui ont plus de sensibilité que les barytons au niveau vocal. Plus de fragilité, de vulnérabilité? Oui, en fait, il y a une certaine injustice entre les voix aiguës et les voix plus graves. Les voix aiguës sont plus sensibles à l'alcool, au mode de vie, que les barytons qui peuvent beaucoup plus boire la veille. Qu'est-ce que vous vous interdisez? Ben, la veille d'un concert, je ne sors pas en soirée. Parce qu'en soirée, on parle beaucoup. Et puis surtout, s'il y a de la musique forte, on doit parler fort, forcé. Et là, c'est beaucoup trop fatigant pour la voix. En fait, je ne m'interdis pas grand-chose parce que je suis déjà comme ça de nature. J'ai déjà expérimenté de manger une plaque du chocolat noir ou blanc avant de chanter, ou un verre de lait. Il y a quelques mucosités qui se déposent et tout d'un coup, ça fait sauter quelques notes. Donc oui, j'évite. C'est parti. Attention, en revanche, ayez bien dans la tête. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Deux, trois, et. Plus. Jésus Christ, je peux avoir les bas seulement. Un et. Jésus Christ, Jésus Christ, Jésus Christ. Super, très très bien. Jésus Christ, je rajoute les sopranes. Comme une gifle. 3 et. Est-ce que par exemple vous faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, à ce que vous fumez? Absolument pas. Absolument pas. Du tout. Moi, je fais partie des chanteurs fumeurs. Puis je bois des coups bien volontiers. Et... Non. En tout cas, à mon niveau, ça n'a pas d'impact. Chacun enfin, fait comme pas. Il veut. Oui, voilà. J'aurais peut-être une voix en meilleur état si je fumais pas. J'aurais peut-être un grain de voix différent aussi, j'en sais rien. Tout le monde, tous les grands sportifs, tous les gens concentrés qui veulent faire une grande carrière, ont besoin d'une hygiène de vie. Le chanteur, encore plus, parce que son corps, c'est son instrument. Donc je connais des chanteurs qui ne peuvent pas manger de tomates, par exemple, à cause des reflux. J'avais un chef de chœur qui nous interdisait de parler dans le bus et de chuchoter, parce que c'est encore pire, quand on partait en tournée. Alors quand vous partez de Nantes pour aller à Stuttgart, c'est long, hein. Et vous avez intérêt à avoir un bon sac de bonbons pour passer le temps, parce que... D'ailleurs, on n'avait pas le droit de manger de sucre non plus, parce que c'est mauvais pour la voix, soi-disant. Mais je vous avoue que quand je pars en tournée avec mes élèves, ils ont le droit de parler, je vous rassure. Je pense que c'était un petit peu extrême. 2, 3 et 4. Dernier Jésus Christ sans le ténor. 3 et 4. Okay. Quelle est la place de la scène dans le plaisir que vous avez à chanter, Roxane Vinson? De la scène et du public. Moi, ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est la joie de partager, de pouvoir partager quelque chose de beau et dans la paix, de sensible. Et ensuite, le fait d'être au centre de l'attention, au contraire, soit ça dépend des personnalités, soit ça peut être très flatteur, ça peut être moteur. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, le chanteur se rend compte que c'est pas ça le but du tout. Et soit au contraire, c'est très intimidant. Et c'est là qu'on parle du trac. Mais voilà, ce qui permet de dépasser ça, c'est la réalité. C'est quoi chanter en public? C'est de partager. Partager un beau moment. Donc pour moi, quand je suis sur scène, surtout avec des partenaires, c'est un moment de joie intense. Il y a l'adrénaline, et puis ensuite il y a tous les retours du public qui sont vraiment touchants, dont on a aussi besoin pour continuer. Et je voudrais que jamais une journée de concert ne s'arrête. Moi je suis très très traqueuse, et je crois que d'une certaine manière j'aime ça. Enfin, il y a le trac qui vraiment empêche, et celui-là, il est assez terrible, mais en même temps... Celui qui vous paralyse. Ouais, celui qui paralyse. Et en même temps, c'est vrai que je crois que, si je suis honnête, les plus beaux concerts que j'ai faits, c'était ceux où j'avais le plus le trac. Donc il y a quand même quelque chose où le trac vous est très désagréable, mais en même temps, il vous convoque, quoi. C'est un moment avant le concert, moi ça vient toujours 15 minutes avant le concert. Un peu avant, mais vraiment cette espèce de montée hyper forte, c'est 15 minutes avant le concert. Et je sais que dans ces moments-là, c'est l'horreur, mais en même temps, ça me demande une concentration et ça convoque des zones profondes d'intensité qui, je pense, sont plus difficilement convocables sans cette espèce de dose d'adrénaline très forte avant de monter sur scène. Mmh. Donc je remercie le trac d'une certaine manière. Et ne pas l'avoir, ce serait plutôt mauvais signe. Ne pas l'avoir du tout, ce serait mauvais signe, ouais. Après, il faudrait que j'arrive à trouver un entre-deux. Quand j'ai le trac, je m'alimente presque plus. Avant un concert, je ne mange pas, par exemple. Jamais, je ne me nourris pas. Quand je ressors, il n'est pas rare que j'avale une entrecôte à peu près grande comme moi. Mais, ce qui n'est pas très grand, mais quand même. Ça, c'est un truc, l'adrénaline auquel on peut être drogué facilement. Moi, je... J'aime beaucoup le trac. Le trac, c'est ce qui mène à ce... C'est ce qui pousse à ce... Je pense à se dépasser et puis à se concentrer. Moi, j'aime beaucoup le trac. Oui, mais quand... parfois, c'est insurmontable. Un trac insurmontable, c'est plus un trac. Hein. C'est une angoisse. Là, c'est mauvais. Là, il faut pouvoir en parler, il faut aller voir des spécialistes... Il faut se faire accompagner médicalement ou psychologiquement. Si vous êtes angoissé avant de monter sur scène, c'est ou bien qu'il y a quelque chose psychologiquement qui ne fonctionne pas, ou bien que vous n'avez pas assez travaillé. Bon, là, il faut que vous vous remettiez vous en question. Mais par contre, le trac, cette petite boule que vous avez au creux du ventre, qui est mêlée à de l'excitation et à un pic d'adrénaline incroyable avant de monter sur scène, c'est un des moments les meilleurs. Oui. Moi, j'adore le trac. Et quand j'ai des élèves qui arrivent vers moi, des petits, qui me disent « Oh là là, j'ai le trac », je leur dis « Mais c'est super ! C'est super, c'est qu'on va passer un super moment. » Et quand ils me disent « Mais comment je fais ?» Je dis « Mais t'as assez travaillé ?»« Ah oui, oui, oui, tu connais bien tout par cœur. »« Oui, je connais bien tout par cœur. »« Mais alors, tu vas voir. Tu vas adorer. » Et c'est... Et ça marche. Et ça fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne très bien. Ouais. Pourquoi chante-t-on, Olivier Bardot ? Parce que c'est inscrit en nous. Parce que c'est notre vocation profonde. Tout le monde chante. Je ne sais pas ce que ça veut dire quelqu'un qui chante faux. Il y a des gens qui ont des problèmes physiologiques qui les empêchent de chanter ce qu'ils ont en eux. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques aussi, des blocages par rapport à leur voix. Je pense à des complexes, des gens qui n'aiment pas leur voix. C'est d'ailleurs terrible. Parce que la voix est tellement notre identité que quelqu'un qui n'aime pas sa voix, c'est quelqu'un qui se déteste profondément. Donc il y a un énorme travail à faire avec lui pour qu'il apprenne à s'aimer, tout simplement. Chant lyrique, au commencement était le timbre. Avec Jean Habitbol, phoniatre, Achille Autran, baryton, Olivier Bardot, professeur de chant, chef de chœur, baryton basse, Adrienne Charmet, contralto, France Delahamelinet, professeur de chant, chef de chœur, soprano, Roxane Vinson, soprano lyrique, Clara Isée, mezzo, et la voix d'Elisabeth Schwarzkopf, ainsi que toutes celles du chœur Stella Maris. Merci au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, à tous les choristes de Stella Maris, à Arnaud Contreras, à Sylvie Douche, musicologue, et au Café Le Louis IX sur l'île Saint-Louis à Paris. Pourquoi chante-t-on, Achille Autran ? Parce qu'on a commencé petit, dire à peu près 15 secondes de vie. C'est une façon de faire de la musique qu'on a directement sous la main, sans aucun besoin de rien. Sans si avoir à transporter son instrument. Voilà, c'est ça. Aucun moyen particulier, ça peut assez facilement sonner bien, on peut raconter des trucs avec. C'est quand même assez cool. Dans le processus d'évolution de l'être vivant entre la cellule de départ et l'homme ou la femme accompli, le chant est à la fois ce qui est le plus profondément inscrit en lui et en même temps la dernière chose à se mettre en place. Parce que lorsque le petit bébé naît, en fait, il a l'organe phonatoire, les organes phonatoires d'un primate. Voilà. Et que c'est seulement lorsqu'il se redresse en position assise que le larynx descend dans la gorge et qu'il se met à pouvoir développer finalement les capacités de modelage du larynx qui vont correspondre à sa langue maternelle. Et la langue maternelle, comment est-ce qu'on l'apprend ? On l'apprend en chantant les comptines immémoriales qui sont chantées par la grand-mère ou par la mère ou par le grand-père ou par le père. Et je dis à tous les parents, chantez pour vos enfants et à tous les grands-parents, chantez pour vos enfants, même si vous avez l'impression d'avoir une voix de casserole, parce que c'est le meilleur service que vous pouvez leur rendre pour faire en sorte qu'advienne en eux leur humanité. Coordination Perrine Kervran, attachée de production Marie-Vanne Abolivier, archivina Marine Decamp, prise de son Yvan Turc, Johan Vincent et Frédéric Kérou, mixage Pierrick Charles. Si on chantait, Marie-Laure Ciboulet, Olivier Chaumel. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à l'opéra, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, la chansonnite chronique. Mais en attendant, restez à l'écoute.